Je vais vous faire une chanson tirée d'un film qui s'appelle Vengo. Moi, j'ai rajouté un texte en arabe. Ça s'appelle Nasi in Palestina. Thank you.